cherches, j'y crois. Raconte-toi la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Sur le mur des photos, sans regret, sans mêler. La porte est claquée, je vais être.